La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 3 décembre 2017. Alors, au programme ce soir, je vous propose un échange avec Alexis Langevin-Tétrault. C'est un créateur sonore qui est plutôt engagé et plutôt vibrant sur le plan sonore. C'est un compositeur de son et d'ambiance électroacoustique. Alexis Langevin-Tétrault cherche, on pourrait dire ça comme ça, depuis plusieurs années à exploiter le potentiel à la fois poétique et critique des nouvelles machines technologiques. C'est un adepte du bruitisme et du minimalisme sonore. Il privilégie une approche de sonorité, et là je mets ça entre guillemets, de sonorité structurée. Et on peut croire qu'il est influencé, il va nous le dire ce soir, influencé par Bernard Parmigiani notamment. Ses dispositifs et ses performances scéniques visent surtout l'émerveillement du public. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, d'échanger au cours de son passage à Québec il y a quelques semaines. Il était en résidence de création à Recto Verso. Un extrait d'une pièce qui s'intitule The Day After. C'est performé par Alexei Kavolsky. C'est un avatar militant d'Alexis Langevin-Tétrault qui raconte ceci à propos de cette pièce qui s'intitule « The Day After ». J'ouvre les guillemets. Il dit « Quand je suis sorti de mon mutisme pour réagir à l'élection de Donald Trump, je me devais d'exprimer mon mécontentement et de faire du bruit. Alors, ça a donné « The Day After ». On est donc sorti de ce « Day After » quelques pièces supplémentaires, ça a donné l'album qui s'intitule Politics EP, qu'on retrouve sur étiquette Calmar. C'est un album qu'on pourrait qualifier de politico-sonore et qu'on peut retrouver en faisant un peu de recherche sur Alexis Langevin-Tétrault sur le web. Alors Alexis, c'est un compositeur sonore, c'est aussi un artiste de la performance. Ses œuvres se caractérisent notamment par une mise en scène d'appareillages et de dispositifs électroacoustique. Il utilise d'une manière assez originale les technologies audio-numériques pour fouiller les possibles du timbre sonore, faisant tout ça dans une perspective de réflexion sur la signification et l'impact des sons sur la vie en général. Dans un descriptif tiré de sa documentation web, on raconte qu'Alexis Langevin-Tétrault, et là j'ouvre les guillemets, cherche à dépasser le statut de simple utilisateur de la technologie. Ce qu'il souhaite vraiment, c'est prendre en charge la technologie audio-numérique et la détourner d'une façon créative, émancipatrice, et cela afin de développer un discours artistique qui échappe ou qui réussit tout le moins à échapper aux stéréotypes musicaux ou encore aux stéréotypes sonores. Alors, au cours de cette rencontre que je vous propose ce soir avec Alexis Langevin-Tétrault, vous allez constater qu'il pose un regard assez critique sur la technologie et la société et qu'il suggère une sorte de pédagogie sonore, tout ça de manière à créer pour le public et pour vous autres auditeurs des moments de fascination et d'appel à l'action. Alors, on retrouve ici une belle liaison, et c'est plutôt rare, mais tout de même une belle liaison entre l'art et le politique. D'ailleurs, il faut souligner qu'Alexis Langevin-Tétrault a déserté la sociologie il y a quelques années tout de même, cette sociologie qu'il a formée sur le plan académique intellectuel. Alors, il l'a déserté pour la création électroacoustique, il est retourné aux études, désenchanté, raconte-t-il, du faible impact des sciences humaines sur la société actuelle. Alors, pour se dire entre nous que la sociologie mène à tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on écoute en entrevue Alexis Langevin-Tétrault, précédé de la pièce qui s'intitule « Damage Control ». Alexis, les arts sonores, c'est maintenant quelque chose qui prend une part importante dans ton travail artistique, je vais dire ça comme ça. Comment on y arrive aux arts sonores? Parce que je sais que toi, tu es de formation de sociologue ou une formation en sociologie. Alors, c'est un peu mystérieux ce parcours. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, ben en fait, le son m'a toujours intéressé. J'ai toujours fait de la musique, mais c'est plus récent que j'ai réalisé qu'on pouvait avoir un parcours professionnel en musique puis faire pas seulement faire ça pour s'amuser en passe-temps. Moi, je viens de la Côte-Nord. Il n'y avait pas beaucoup d'exemples d'artistes sonores autour de moi quand j'étais jeune, dans les années 80, sur la Côte-Nord. Et puis, j'ai toujours eu un intérêt aussi politique, un intérêt social. J'ai été dans différents mouvements militants ou des mouvements coopératifs. Et c'est pour ça que j'avais été d'abord vers la sociologie, en pensant que je continuerais le soir à jouer dans les bars, à faire de la musique. Et puis, il est arrivé un moment où je dirais où j'avais des choix à faire parce que ma pratique musicale prenait trop de place. Puis j'arrivais difficilement à concilier les deux. Et puis j'avais peut-être une certaine insatisfaction en sociologie. La posture d'un sociologue, c'est peut-être plus d'un observateur qui tire des conclusions, mais on doit être neutre un peu là, dans notre travail. Et puis, j'avais peut-être un besoin d'action, un besoin de m'impliquer un peu plus, que je me sentais un peu trop contraint là-dedans. En création, bon, on a une liberté peut-être plus grande où on peut aller plus loin dans la subjectivité sans que ça pose problème éthique. Donc, c'est ça. Il y a peut-être... nous sommes en 2017, donc ça fait peut-être 8 ans, je dirais, là, que j'ai fait ce changement-là, 8-10 ans, là, où je me suis mis à temps plein à l'art sonore, à la création. Alexis, dis-moi, comment on pourrait caractériser ton travail artistique, ton travail sonore, là? Si on n'avait pas seulement lui donner une étiquette, mais à tout le moins lui donner une orientation particulière. Oui. Il y a différentes facettes à ma pratique. Je dirais que de façon générale, je m'intéresse à réconcilier des extrêmes, des grands contrastes par la création. Donc, autant dans les matériaux sonores que dans les mouvements, il y a des grandes dynamiques. Pour moi, la création, en fait, c'est un peu... j'ai transféré mes considérations en sociologie, puis j'essaie de réconcilier des extrêmes, des antagonistes par la création. Donc, il y a cet élément-là. Il y a toujours un élément aussi, je dirais, performatif. J'aime jouer le son, l'associer à un geste. Même quand je suis en studio puis que je fais des pièces fixes, j'interagis beaucoup, je m'écris des dispositifs avec lesquels je peux agir physiquement. Puis, même chose, évidemment, dans la performance. J'essaie de mettre en valeur les sons par le geste, en fait, de relier pour que ça rende plus clair pour l'auditeur, en fait, pour le spectateur, qu'est-ce qui se passe, pour clarifier par le geste les sons. Alexis, on vient d'entendre une pièce qui s'intitule « Dévorer l'espace ». C'est une pièce récente dans ton travail? Oui, que j'ai fait, je l'ai terminé il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez récent, oui. Et en partant de cette pièce-là, je suis un peu intrigué. Quelle est la source d'inspiration d'une pièce sonore comme celle qu'on vient d'entendre? Ben, c'est une pièce, d'abord, où j'utilise beaucoup des sons de synthèse, donc qui sont créés avec des synthétiseurs ou des outils virtuels à l'ordinateur, et à la fois des sources sonores de prise de son créative, donc en utilisant les objets autour de moi, d'essayer de trouver des façons de créer des sons, des jouets un peu comme des instruments. Cette pièce-là, j'essaie de réconcilier ces deux univers-là qui sont assez distincts pour faire un tout cohérent, ce qui est assez typique de ma démarche, je dirais. Cette pièce-là, je l'aime particulièrement bien, que je crois. Je pense que je l'ai presque réussi. Ça pointe bien dans cette dimension-là. Il y a aussi la version qu'on vient d'entendre, c'est la version stéréo, mais au départ, ça a été créé pour une octophonie, donc pour 8 haut-parleurs. Ça aussi, c'est assez typique de mon travail. Les pièces que je présente en concert, généralement, j'utilise beaucoup haut-parleurs pour utiliser la spatialisation comme un élément de composition aussi. Donc, il y a cet aspect-là. Et il y a des grands contrastes. Il y a des éléments très énergiques, des moments plus calmes, plus doux aussi. Parfois ça se bat et ça finit par se réconcilier vers la fin de la pièce. C'est assez typique, je dirais, de ce que j'ai fait dans les dernières années. Là. Dis-moi, Alexis, si on avait abordé là, tes sources d'inspiration comme créateur, on pense à quoi? On pense à des artistes ou on pense à des philosophes? On pense à des gens issus des sciences humaines? Parce que, évidemment, je me réfère à ton parcours. Un peu tout ça. Il y a certains auteurs en particulier qui m'ont marqué et je dirais leur conception du monde a un impact clair dans ma création. Un auteur jeune qui m'a marqué, c'est Dostoïevski. J'ai lu tout son œuvre à l'âge de 20 ans et on pourrait faire une émission juste à parler de cet auteur-là, mais entre autres une phrase qu'il avait dite qui c'était au cœur de chaque homme se trouve le plus profond abîme ainsi que la plus haute cime. L'idée que les gens sont pas forcément bons ou mauvais, mais qu'à l'intérieur d'eux, il y a différents contrastes et c'est par l'action qu'ils essaient de résoudre ça. C'est quelque chose que je transpose assez littéralement dans ma musique. Donc, ouais, Dostoïevski. Sinon, évidemment, des influences musicales. Un band de musique électronique, Autechœur. Musique expérimentale, un duo qui fait de la musique live, beaucoup de sons de synthèse. Il y a un aspect rythmé dans leur musique, mais à chaque mesure, ils déconstruisent la rythmique qu'ils viennent de construire. Ça se renouvelle tout le temps. Cet aspect-là aussi est dans ma musique présentement. Puis, je peux pas. Il faut que je parle d'un parmi Gianni, forcément. C'est peut-être le compositeur qui m'a le plus marqué pour la rigueur d'écriture, la précision de ses gestes, de ses articulations, la gestion de l'espace, du temps, la beauté de ses sons qui vieillissent très bien. Il y a certaines pièces qui pourraient pratiquement être faites aujourd'hui, puis ça sonnerait actuel. Donc, je dirais ça. Peut-être le peintre aussi, Nicolas de Staël. Peintre d'origine russe qui faisait des grandes fresques. Il peignait avec une truelle. Il y avait des gros reliefs. C'était pratiquement de la sculpture, de peinture, tellement c'était dense qu'il faisait. Une composition très éclatée des couleurs, mais qui était toujours très cohérente, très belle. Il y a quelque chose aussi dans ces grandes fresques-là, éclatées avec des gros reliefs qui s'apparentent un peu à la musique que j'essaie de faire, au son que j'essaie de faire. Ouais. Si tu veux, Alexis, on va écouter une pièce qui est de tradition dans l'émission de faire jouer un peu les sources d'influence de ce groupe techno-rock que tu as nommé qui s'appelle Autechœur. Alexis, on vient d'entendre ce groupe Autechaire. Tu as parlé tout à l'heure de Dostoïevski et j'ai trouvé ça vraiment intéressant au sens où je me demandais quelle serait la composition, la création sonore que tu as réalisé qui serait issue de cette réflexion ou de cet univers de Dostoïevski. Est-ce que c'est quelque chose qui... est-ce qu'on peut faire la combinaison dans une de tes œuvres? Oui, ben en fait, ça reste que c'est une métaphore, là. Chacun l'interprète comme on veut. Mais oui, certaines pièces... j'ai une pièce qui s'appelle Shapeshifter, que j'ai fait il y a 4-5 ans. Pour moi, c'est un peu comme les carnistes du sous-sol de Dostoïevski. C'est un être qui se bat avec son environnement puis qui essaie à la fois de s'adapter sans perdre son essence, sa nature. Puis il y a une certaine violence dans tout ça. Cette pièce-là, Shapeshifter, ça exprimait vraiment ça. Je pense que on peut faire un certain parallèle. C'est la perception générale que j'avais de cet auteur-là. C'est l'énergie qui est assez grandiloquente, qui est assez intense. Des grands moments enflammés, des petits moments très contenus aussi. En particulier dans... C'est plus une nouvelle qu'un roman, c'est assez court. Il y a quelque chose aussi dans le déploiement de l'énergie, dans la structure, je dirais, de cet écrit-là, comment j'ai structuré la pièce. Je pense qu'il y a des parallèles à faire aussi. Alors, Alexis, on va écouter cette pièce. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89,1 FM. C'est la Croche-Oreille qui reçoit ce soir Alexis Langevin-Tétrault. Alexis qui racontait à la journaliste Ariane Gruet-Pelcha dans le magazine BRBR, c'est il y a quelques années, qu'il avait créé un personnage fictif, un pseudo-créateur nommé Alexei Kavolsky, par lequel il va faire de l'art sonore politiquement orienté. Il souligne en entrevue que Kavolsky est un acte de résistance. Il transpose en musique, et là, je cite Alexis, il cite en musique ce que je savais... il transpose en musique ce que je n'avais pas réussi à satisfaire en sociologie. Donc, il nous a parlé tout à l'heure de ce passage. Et à chaque fois que je fais un album, c'est Langevin Tétrault qui parle avec ce projet-là. C'est comme un spasme, un trop-plein d'idées, une réaction directe à un événement politique ou économique qui nous est imposé. C'est une lutte contre l'apathie et le défaitisme que j'essaie de transmettre à l'auditeur. Et il raconte d'ailleurs que Kavolsky compose en construisant des réseaux d'interconnexion. Au fond, c'est une posture idéologique et une vision de l'art qui est plutôt féconde. Alors voilà une sorte d'introduction à une pratique singulière qui explore aussi les possibilités de la collaboration interdisciplinaire. Il faut rappeler qu'Alexis Langevin-Tétrault a participé à la fondation de différents projets de musique électroacoustique et électronique, dont Quader, Falaise, Beta Feed, Alexei Kavolsky, dont on vient de parler, et Receptors. Alors, pour ce qui est de ces œuvres, elles ont été présentées dans de nombreux événements internationaux, dont ISEA, MUTEC, La Biane, qui est organisée par Electra Montréal, Acousma, Transian, Sydney Square, et j'en passe. Alors, on poursuit cette écoute d'Alexis Langevin-Tétrault poursuit comme on a débuté l'écoute de cette pièce qui s'intitule Shape Shifter, inspirée de l'univers de Dostoïevski. Alors Alexis, on poursuit ce beau parcours sonore que tu nous proposes ce soir. Tu travailles actuellement sur un projet qui s'appelle Interférence. Et si je ne m'abuse, c'est un projet qui est beaucoup en lien avec ce que tu racontes depuis quelques instants, au sens où il y a un exercice à la fois intellectuel, mais aussi physique dans ce rapport à la création. Puis j'aimerais que tu parles de ce projet Interférence. Ce projet-là, c'est un projet de performance où j'essaie d'interpréter par l'interaction physique une pièce électroacoustique. Donc, je me suis créé un dispositif audiovisuel dans lequel j'accroche des câbles. En fait, je crée un réseau de câbles. Chacun de ces câbles-là crée des sons avec un processus sonore. Donc, tout est joué vraiment en temps réel. On pourrait le voir comme une espèce d'harpe futuriste, où j'essaie d'utiliser le plus d'espace possible sur scène. Donc, chaque représentation est un peu différente. Je m'adapte selon ce qui se passe. Donc, il y a vraiment quelque chose en temps réel, propre à l'instant. Et je voulais créer quelque chose de significatif, pas seulement refaire toujours la même chose. C'est important pour moi. Et puis, conceptuellement, ce qui m'intéressait, c'était quand j'étais en sociologie, j'ai travaillé en sociologie des communications. Je m'intéressais à l'émergence des réseaux sociaux sur Internet. Là, on remontait il y a 12-13 ans. Puis, il y a un peu de ça aussi, l'idée de créer un réseau qui nous permet de nous exprimer, qui nous permet d'interagir avec l'environnement, mais en même temps qui nous enferme un peu. Parce que physiquement, concrètement, je crée vraiment un réseau dans lequel, à la fin, je suis un peu pris, et plus ce réseau-là est dense, plus ça devient difficile de garder le contrôle. Donc, il y a un peu une interaction du combat entre l'homme et la machine pour essayer de garder un sens puis une direction. Et c'est quelque chose de très physique, je pense. C'est de tout ce que j'ai fait jusqu'à date, c'est celle où je me donne le plus physiquement. Je vais au bout de mes forces. Donc, il y a une décharge d'énergie. Je pense, même si on ne comprend pas exactement, on n'est pas familier avec ce type de musique-là, même si on n'est pas des initiés, il y a une décharge qui est physique, qui est humaine, que j'arrive à transmettre. Je travaille là-dessus présentement. Là, je vais essayer de le rouler le plus possible dans la prochaine année. Là, ouais. Alexis, on parlait de Dostoïevski tout à l'heure, ce grand auteur russe. Et dans la documentation qui te concerne, durant la recherche que j'ai faite, j'ai réalisé que tu parrainais un artiste imaginaire qui s'appelle Alexei Kavolsky. Et c'est un personnage qui a un positionnement très à la fois artistique puis un positionnement politique. J'aimerais ça que tu nous entretiennes de ce projet-là parce que je le trouve extrêmement fécond sur le plan intellectuel. Oui, ça c'était un projet charnière en fait. C'était le projet qui m'a fait passer de la sociologie vers l'art sonore. À ce moment-là, j'étais peut-être pas prêt à m'assumer sous mon vrai nom. Donc j'ai créé un peu cet alter ego-là qui venait d'un... ça a des sonorités peut-être russes, ça vient de l'extérieur. Donc j'aimais bien l'idée de quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui pose un regard critique sur le monde, de travailler un peu avec l'idée de l'altérité comme point de départ. Et puis, c'était une... Comme je l'étais caché derrière un alter ego et que personne ne savait que c'était moi, ça m'a donné une liberté totale, en fait, pour m'exprimer. C'est un projet... celui-là est directement inspiré des événements politiques, en fait. C'est tous mes surplus d'émotions, de frustration ou d'indignation politique. Et là, on parle notamment de l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine. En effet. Le dernier que j'ai sorti sous ce nom-là, effectivement, était... je l'ai créé, en fait. J'avais déjà des sons mis en banque, j'avais des idées, mais j'ai tout assemblé tombé ça la journée de l'élection dans la nuit. J'ai pas dormi. J'ai sorti ça le lendemain. Il fallait que je réagisse. Il fallait que je dise quelque chose par rapport à ça. Il y avait une espèce de colère en moi que je voulais pas garder parce que c'est pas très sain. C'est une forme de thérapie, ce projet-là aussi. J'ai sorti ça. Après, j'en parle pas beaucoup. Je fais pas beaucoup de publicité quand ça sort. Ça a trouvé son public et ça m'étonne tout le temps. Je sais pas exactement comment j'ai réussi. Mais il y a des gens qui écoutent ça. Et puis, Donald Trump en particulier, ce n'est pas un aide que j'apprécie. Il y a à peu près rien d'intéressant à dire sur cette personne-là. Chaque pièce, en fait, est un peu soit un aspect de sa personnalité, soit un aspect des politiques qu'il voulait mettre en place, que j'ai transposé de différentes façons en musique, en son. Ouais. On va écouter Alexis Kavolsky. Alexis, pour clore cet entretien, on a parlé du projet Interférence qui est en cours. Pour toi, le programme de diffusion, est-ce qu'il est il est bien amorcé là dans les prochains mois? Oui, pour ce projet-là, ça roule assez bien, en fait. Je l'amène sur la scène internationale à partir du mois de novembre, en fait, très prochainement. Je vais aller faire un tour à Londres. Je vais aller aux États-Unis. Ça va aller jouer à Barcelone aussi. Il y a des discussions pour la Suède. Bref, ça va quand même rouler beaucoup. Je vais le jouer aussi à Montréal. Peut-être éventuellement à Québec, j'aimerais bien. Mais ça, oui, c'est un projet vraiment important pour moi, là, dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, pour au moins un an, deux ans, ça devrait être à quelque part près de chez vous. Oui, et il y a aussi ces collaborations que tu fais. Bon, il y a ce travail que tu es en train, ce projet qui s'intitule Data Noise, que tu réalises avec Pierre-Luc Lecourt. Il y a aussi Quader, qui reste dans le paysage pour des présentations publiques prochaines. Oui, tout à fait. Ça roule bien. On fait avec Quader. Prochainement, on va faire la tournée des maisons de la culture à Montréal. Donc, on a une dizaine de shows là, dans les prochains mois. Ce projet-là aussi va aller, s'en va à Londres. On fait souvent des programmes d'hommes, en fait, avec mon projet Interférence et Quader. Donc, on se tente sur la scène internationale. J'ai le projet Falaise aussi, qui est présenté à Acousma, Festival à Montréal de musique acousmatique. J'aime beaucoup faire des projets de collaboration, en fait. Dans la plupart de mes projets, j'ai des gens... j'aime aller chercher des gens aussi qui ont des pratiques très distinctives, très différentes de la mienne. J'aime sortir de ma zone de confort et devoir m'adapter pour créer quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même. Par la performance, en temps réel encore plus, là, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui ressemble au plaisir de jouer peut-être d'un band rock ou de jouer des instruments traditionnels, mais avec des sonorités complètement folles, mais avec le même plaisir d'interaction. Oui. Alexis, on va écouter un extrait un extrait de Falaise. Ça, c'est un projet que tu as réalisé avec... C'est Guillaume Côté qui est à l'audio et Dave Gagnon qui travaille davantage au visuel, mais qui a aussi une influence importante sur le son. C'est un projet qui est assez différent de Quader, par exemple, ou de mes projets Interférence. C'est une musique beaucoup plus tramée, peut-être plus contemplative. Guillaume Côté a vraiment une pratique différente de la mienne. Il vient plus du documentaire sonore. Et ça a donné quelque chose d'assez unique où on se rencontre. Et il y a un aspect bruité, mais qui est beaucoup plus contenu, je dirais, moins grandiloquent que dans mes pièces solo. Je pense que ça peut bien conclure l'émission. Là. Ouais. Alexis Langevin-Tétrault, merci beaucoup de m'avoir accordé cette entrevue. Et puis, on finit ça ensemble avec un extrait de Falaise. Ben, merci à vous de l'invitation, ça me fait plaisir. Voilà que s'achève la croche-oreille pour ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, 21h, dimanche prochain, sur les ondes de CKRL 89,1. Et voilà, vous allez jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.wordpress.com pour trouver toutes les références sur les morceaux qu'on a entendus ce soir. Et comme mot de la fin, je vous dis, soyez attentifs au son autour de vous.